drives you insane, drives you insane, drives you insane, drives you insane, because you find you never get it out of your brain, out of your brain, out of your brain. They call it the wrong note brain. Bobby Hawk, turkey truck, give me the wrong note brain. Please play that lovely wrong note, because that wrong note just makes me do do do do do do do do. Whoa! That note is such a strong note. It makes me rick ricky tick rick ricky tick tacky. Rick ricky rick rick ricky rick ricky. Don't play that right polite note, because that right note just makes me blah blah blah blah blah blah blah blah. No no, give me that new and blue note. And sister, watch my smoke, watch my dust. Doing the wrong note right. Note rag, le rag de la fausse note, une chanson de Leonard Bernstein dans une comédie musicale qu'on n'a jamais vue en France, Wonderful Tone, par Rosalind Russell et Jacqueline McKeever. C'était en 1953. Je vous ai passé ce morceau parce que, eh bien, je voulais vous annoncer que notre prochain cabaret, 42e rue, aura déjà lieu dimanche prochain, en direct, ici au studio 105 de la Maison de la Radio, et qu'il sera entièrement consacré aux comédies musicales de Leonard Bernstein. Nous recevrons quatre brillants chanteurs-comédiens qui ont créé la saison dernière à Paris, à l'Auguste Théâtre, un spectacle entier autour de ce compositeur. Eh bien, ils nous en proposeront une version radio en direct. Christine Buffle, Lorraine von Kempen, Emerson Scott et Maxime de Toledo. Ils seront accompagnés au piano par Mathieu Serradel. Ils vous proposeront des extraits de Wonderful Tone, donc de Candide et notamment, bien sûr, de West Side Story. La réservation est conseillée sur maisondelaradio.fr, mais elle n'est pas obligatoire et vous pouvez venir dimanche prochain directement à la Maison de la Radio. Et puis, la veille, samedi, Nathalie Piolet vous en parlait il y a un instant, France Musique fêtera le centenaire de Frank Sinatra. J'aurai notamment le plaisir de vous retrouver avec Thierry Joux samedi de 13h à 15h pour une émission consacrée à Frank Sinatra, le cinéma et les comédies musicales. Et en guise d'avant-goût, eh bien, je vous propose de recevoir le Blu-ray de l'une des plus célèbres comédies musicales avec Frank Sinatra. C'était Escale à Hollywood avec Gene Kelly. Warner vient de l'éditer pour la toute première fois en Blu-ray. J'en ai quatre à vous offrir pour les recevoir. Il vous suffit de nous envoyer un petit mail avant midi moins le quart en allant sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et vous cliquez sur l'onglet Contact. Tirage au sort, eh bien, juste avant midi. Voici l'un des moments clés de ce film Escale à Hollywood. Et le jour où le public a découvert cette scène, tout le monde était un petit peu surpris, à commencer par le tout Hollywood, qui découvrait que Frank Sinatra savait non seulement chanter, jouer, mais aussi danser avec Gene Kelly. I begged her, I pleaded, I told her, baby, come out of your shell. I told her, maybe you'll find that it's well. I argued. I threatened. I said you can't send me home, not like this, and I finally got that kiss. She begged me, she she told me, baby, come out of your shell. She told me maybe you'll find that it's swell. She argued. She threatened. She said you can't send me home, not like this. She finally got her kiss. What a time we had tonight. What a dream, what a dame. And she lives alone. Wondering where has some guy gone? sun will set, many a blue moon will shine before I do. Many a new day, une chanson de la comédie musicale Oklahoma. Une nouveauté que vous avez découvert grâce à Alex Dutille dans Open Jazz, c'est tout un album de jazz autour de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, interprété par Karin Allison. Elle reprend aussi des chansons extraites de Carousel, de South Pacific ou de La Mélodie du Bonheur. Et puis pour obtenir l'un des 5 Blu-ray de Escala Hollywood, eh bien donc vous nous écrivez jusqu'à midi moins le quart sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Ce matin, nous avons mis sur la grande affiche de la 42e rue une farce farfelue avec ce qu'il faut de quiproquo, de déguisement et d'amourette compliquée. En 1948, Frank Loesser s'est fait un nom à Hollywood. À 38 ans, il est parolier pour les compositeurs Burton Lane, Augie Carmichael, Julie Stein. Il écrit des chansons dans les films pour des vedettes comme Bette Davis ou Marlene Dietrich. Mais ce qui l'intéresse, c'est Broadway. Alors un producteur novice pense à lui pour écrire les paroles de l'adaptation d'une farce britannique à succès de la fin du 19e siècle, La Tante de Charlie. L'histoire, à l'époque victorienne, de deux jeunes étudiants amoureux de deux jeunes filles qu'ils ne peuvent rencontrer sans la présence d'adultes à leur université. Au hasard du retard de la tante richissime de l'un d'eux, qui pouvait leur servir de chaperonne, d'alibi, Charlie décide de se déguiser en cette vieille tante afin que son ami puisse voir sa dulcinée. C'est lorsque la véritable tante du Brésil entre en scène que les quiproquos vont débuter. Alors le premier numéro ingénieux de Where Charlie présente les quatre étudiants à la façon d'un quatuor avec au milieu une petite gavotte façon Mozart. Voici donc par ordre d'apparition dans le chant les filles, Kitty et Amy, et puis Charlie et son ami Jack. Oh Amy, don't you think we might... Suppose we stay. Wouldn't it be daring and wouldn't it be fun? We just can't stay. See the way they're staring. It isn't being done. Ah, but wine is the perfect gentleman, and mine is the noble type. But for every perfect gentleman comes a time, and the time may be ripe. He wouldn't dream of trying to kiss me. It's not the sort of thing he had planned. He wouldn't dream of trying to kiss me, or even gently holding my hand. He wouldn't dream of trying to kiss us, for after all they're civilized too. But Amy, just to be on the safe side, we better get out of here before they do. Jack, suppose they stay. Wouldn't it be daring and wouldn't it be fun? They just can't stay. Don't be overbearing, it isn't being done. Ah, but we're known as perfect gentlemen, the stiff upper Oxford type. But for every perfect gentleman comes the time, and the time may be ripe. Oh no. I wouldn't dream of trying to kiss her. There's nothing more remote from my mind. I wouldn't dream of closing that door there. I wouldn't dream of drawing that blind. We wouldn't dream of trying to kiss them, for after all we're civilized too. But just to be a bit on the safe side, they'd better get out of here before we do. Songs all college boys chant. He wouldn't dream of telling me stories that he would not repeat to his aunt. They wouldn't dream of even suggesting that we should have a brand new or two. But Amy, just out of here before they do. Better Get Out of Here, extrait de l'enregistrement à Londres en 1958 de Where's Charlie, avec Pip Hinton, Pamela Gale, Norman Wisdom et Terence Cooper. Il faut savoir qu'à l'époque, quand la pièce a été créée à Broadway en 1948, il y avait une grève des musiciens et donc le spectacle n'avait pas été enregistré. Le seul enregistrement intégral donc date de 1958 à Londres. Alors Where's Charlie? C'est une comédie musicale de novice, parce que le producteur, le compositeur, eh bien, pour tous, il s'agit de leur premier spectacle à Broadway. Pour se border, ils ont quand même pris pour metteur en scène et gourou le pape, le roi de la farce à Broadway. Il s'appelle George Abbott, on lui doit la mise en scène notamment de nombreuses comédies musicales de Richard Rodgers et Lawrence Hart. Il est à la fois scénariste et metteur en scène. Il va réécrire le livret pour donner du rythme. Et c'est lui notamment qui impose ce premier numéro qu'on vient d'entendre, que les producteurs ne trouvent pas drôle, mais le metteur en scène explique, oui c'est pas drôle, mais c'est une farce, il faut commencer par là, il faut d'abord installer les personnages, construire les fondations de l'histoire. Avec cette première partition pour Broadway, Frank Loesser va multiplier les styles et les pastiches. Le quatuor qu'on vient d'entendre fait penser un peu à du Gilbert et Sullivan, mais dans Where's Charlie, il compose aussi des valses, des ballades, et puis une marche, typique des fanfares américaines d'université. On était sur le quai de la gare à attendre la tante brésilienne de Charlie qui n'arrive pas. Eh bien, tous les étudiants, les quatre, retournent à l'université et découvrent cette fanfare d'étudiants. C'est un numéro interprété ici par Johnny Mercer. Here they come with the sunlight on the trumpets. Here they come with the banners flying high. In my throat I've a lumpy sort of feeling, and a bright gleam of pride is in my eye. Here they come with the clarinets a-wailing. Here they come rather bravely up the square. And I know in a moment I'll be cheering, and my fine Sunday hat will be high in the air for the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Yes, the new Ashmolean could have beat Napoleon with all those deadly instruments in hand. There are those who favor the Philharmonic flavor, but to me, the finest in the land is the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Though they march only slightly out of tempo, though they play just a trifle out of tune, though there's just a suggestion in the oboe of the sound of a hound beneath the moon. Here they come with their mighty, mighty tuba. Here it comes like a badly wounded steer. But the old college spirit is upon me, and I shout and I cheer as he brings up the rear for the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. If you're analytical, musical or critical, you like it more the farther back you stand. But to me it's bully, it satisfies me fully when I hear that thunder close at hand. From the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Au départ, c'est Harold Arlen, le compositeur du Magicien d'Oz, qui est pressenti pour écrire la musique de cette comédie musicale. Mais un incendie dans sa maison l'en empêche. On pense donc à Frank Loesser, qui pourtant à Hollywood est essentiellement parolier. Il va prouver avec Where's Charlie qu'il sait composer des musiques dans des styles variés. Et notamment, il compose trois magnifiques ballades. La première, eh bien, c'est pour le flirt entre le premier couple d'étudiants, Kitty et Jack. Une chanson, My Darling Darling, qui a été souvent reprise. Ici, je vous propose de l'entendre dans la voix de Doris Day avec Buddy Clark. My darling, my darling, I've wanted to call you my darling for many and many a day. My darling, my darling, I fluttered and fled like a starling. My courage just melted away. Now all at once you've kissed me, and there's not a thing I'm sane enough to say, except my darling, my darling, get used to the name of my darling. It's here to stay. Till a moment ago we were Mr. and Miss, discussing the weather, avoiding each other's eye. Till a moment ago when we happened to kiss, and we kissed the Mr. and Miss goodbye. Now at last she can sigh. My darling, my darling, I've wanted to call you my darling for many, many days. My darling, my darling, I fluttered and fled like a starling. My courage just melted away. Now all at once you've kissed me, and there's not a thing I'm sane enough to say, except my darling, my darling, get used to the name of my darling. It's here to stay. Un joli duo, My Darling, My Darling. L'autre spécialité de Frank Le Sœur, c'est une chanson complètement opposée à cela. Une chanson en contrepoint où deux personnages préoccupés par deux choses différentes chantent ensemble, mais ces points de vue contrastés autour d'une mélodie particulièrement enlevée. Ça donne une vraie scène de théâtre en musique. Et c'est le cas pour la première romance entre les deux autres héros, Charlie et Amy, à qui il veut déclarer sa flamme. Seulement, elle est plongée dans un livre qui présente, en cette fin de 19e siècle, les merveilles technologiques du 20e siècle. La télégraphie sans fil, les véhicules sans cheval, les projecteurs. Alors, cette chanson s'intitule « Make a Miracle », durant laquelle Charlie va tout faire pour la distraire de sa lecture. I just read a book on what's to be expected. Wireless telegraphy perfected, electric lights and fountain pens, and machines by which a lie can be detected. Look, this is 1892. Never mind the miracles, Amy. What about us? Horseless carriages on the road, breakfast cereals that explode. I know. Someday they'll have horseless carriages that fly. Horseless carriages that fly. Horseless carriages, and someday they'll be roaring all about the spelling sky. Spelling out slogans, buy a beer at Hogan's. But who knows when that age of miracles will come to be. So meanwhile, darling, make a miracle and marry me. Horseless carriages, I can't believe it, now and I can't. We'll see the wonders of the future in your eyes, brightly gleaming wonders that I challenge modern science to devise. Oh, yes, I know that someday, after we've grown very, very old. Oh, so very, very old. Old enough to bury someone rather bright, we'll cure the common cold. Not the British, never the British. And someday, just a small white pill will feed a family. But meanwhile, let's have steak and kidney pie. And meanwhile, let's be sure our feet are dry. And meanwhile, darling, make that miracle and marry me. Horseless carriages, I can't believe it. Now I cure the common cold, I can't. can't believe it, though. Someday they'll be wearing skirts way up to here. Daring skirts way up to here. Wearing skirts way up to someday. With a neckline equally sincere. Ah, the future. To peer into the future. A vision that, alas, I may not be alive to see. So meanwhile, darling, make a miracle and marry me. Wearing skirts way up to, can't believe it, no. And I will see the wonders of the future in your eyes. Brightly gleaming wonders that I challenge modern science to devise. Oh, yes, I know that someday, when your mind keeps harboring a grouch. Ouch! Someday, Dr. Bones will place you on a couch. Couch? Uh-huh. And listen to your sad, sad story for a handsome fee. But meanwhile, let's get one big Morris chair. And meanwhile, tell me all your troubles there. And meanwhile, darling, make that miracle and marry me. Horseless carriages, marry can't me. Believe it, no, I. Marry wearing me. Wearing skirts way up to, marry can't me. Can't believe it, no, I. Marry me! Really, Mr. Bulger? All right. C'est le fantaisiste Ray Bolger qui a créé ce personnage de Charlie dans la comédie musicale Where's Charlie, qui est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Cette chanson, Make a Miracle, a aussi été interprétée par son compositeur et auteur Frank Loesser. C'est un duo avec sa femme Lynn. Je vous propose de l'écouter, c'est pas mal non plus. Darling, darling, what are you reading? Popular Mechanics. Well, will you put it down a minute? I want to talk to you. This is important. Listen to me. It's about it's about our future. Huh? I want to tell you. Someday there'll be horseless carriages that fly. Horseless carriages that fly. Horseless carriages, and someday they'll be roaring all about the sky. Spelling out slogans, buy a beer at Hogan's. Yes, but who knows when that age of miracles will come to be. So meanwhile, darling, make a miracle and marry me. Horseless carriages, I can't believe it. No, I can't imagine. There you go. Will you listen? This is awfully important. This is about us. Someday they'll have stereopticons that move. Stereopticons that move. Stereopticons appearing in cathedrals larger than the Louvre. How romantic. Yeah, colossal. Gigantic. Yes, but who knows when that great, great cultural event will shine. So meanwhile, darling, make a miracle and say, you're mine. Stereopticons, I can't believe it. No, I can't imagine. Will you pay attention to me? This is about our future. Huh? It's important. And I will see the wonders of the future in your eyes. Right. Where are you? This is about wonders that I challenge modern science to devise. I know. I saw the magazine. Someday, after we've grown very, very old. We've grown very, very old. Old enough to bury someone rather bright will cure the common cold. Not the British. Achoo! Excuse me, go ahead. And someday, just a small white pill will feed a family. Oh, but meanwhile, let's have steak and kidney pie. And meanwhile, just imagine, let's be sure our feet are dry. And meanwhile, just imagine, darling, make a miracle and marry. Just imagine all those horseless carriages. I can't believe it. No, I. Stereopticons. I can't believe it. Will you listen to me? Cure the common cold. I'm appealing. I can't believe it. No, I can't. What's the use? Frank Loesser savait donc chanter, il savait écrire des paroles et il savait composer aussi des chansons qui épousent musicalement les humeurs de ses personnages. Par exemple, il savait dépeindre le dépit amoureux d'une femme ou sa jalousie. Par exemple, dans cette chanson, dans Where's Charlie, la chanson s'intitule The Woman in His Room. Amy, qui est donc un petit peu amoureuse de Charlie, se retrouve seule dans sa chambre d'étudiant parce que Charlie est parti à nouveau se déguiser en sa grand-mère. Alors elle regarde autour d'elle et elle découvre le portrait dans la chambre de Charlie d'une jeune femme. Et bien de ballade romantique, cette chanson devient, vous allez l'entendre à mi-chemin, empreinte de jalousie et de doute. Charlie's a nice boy, a dear boy, a sweet boy, a fine boy, a good boy through and through. Charlie's a nice boy, a dear boy, a sweet boy, a fine boy, so loyal and so true. He's one girl, the one girl, the one girl, the one girl no other can replace. But when my Charlie's far from me, I'm content as I can be, just to close my eyes and picture his face, and picture his face, and picture, picture, that picture, that picture, that picture of that woman, that picture of that woman on the piano in his room. That picture, that picture, that picture of that woman wearing tights on a vulgar ostrich plume. That woman, that woman, that hussy of a woman, that woman in the picture, that woman in his room. Ah! The shock of it, a woman in his room. I'm such a fool. She's probably his sister. Just a photograph taken at a masquerade. What a terrible, terrible mistake I've made. Charlie's a nice boy, a dear boy, a sweet boy, a fine boy, a good boy through and through. Shall be patiently waiting when Charlie returns from that urgent rendezvous. Rendezvous. That's a French word. I've seen it in a novel. Meaning? That woman, that woman. I know he's with that woman. I'm sure he's with that woman on the piano in his room. That woman, that woman, that monster of a woman's cast a spell over my intended groom. It's ended, all ended. They're up there sweetly sighing, and I thought love and dying had just begun to bloom. Oh, the shame of it! A woman in Parmi les ballades que compose Frank Loesser dans cette comédie musicale Where's Charlie, en voici une qui fait penser à de l'opérette. Et c'est normal parce que ça concerne eh bien, une romance entre deux adultes, deux chaperons qui se retrouvent. La tante du Brésil, finalement bien arrivée, et puis le chaperon de l'une des filles qui est aussi l'un des anciens amants de la tante du Brésil. Bref, la chanson s'intitule « Lovelier Than Ever ». Was a bright blue sky, and the lark sang high on a bough that was blossom-laden. And I had my eye on a very pretty maiden. 'Twas a perfect day in the month of May, and the sun was a blazing yellow. Remember? I do. And I had my eye a certain handsome fellow. The lady they call Springtime all but swept me off my feet. She filled my heart with promises extra. hasn't changed a bit. No. Marion Grimaldi, Jerry Desmond dans l'enregistrement en 1958 à Londres de cette comédie musicale de Frank Loesser, Where's Charlie? Alors, l'équipe de créative de Where's Charlie en 1948 à Broadway est assez impressionnante. Outre le doyen George Abbott au livret et à la mise en scène, on embauche aussi le chorégraphe George Balanchine. 12 ans plus tôt, le Russe avait révolutionné Broadway en incluant pour la première fois dans une comédie musicale dite commerciale un long ballet sophistiqué dont l'histoire n'était pas un pur divertissement, mais participait de la narration. C'était dans Tiptoes de Richard Rodgers. Eh bien, dans Where's Charlie, il va essayer de faire pareil, mais les choses se passent moins bien parce que les producteurs sont très radins et qu'il va claquer la porte durant les répétitions devant le cafouillage. D'ailleurs, il déclare « Tout le monde sait que je fais ces choses-là uniquement pour l'argent et pour créer de vrais ballets au New York City Ballet ». En tout cas, Balanchine signe dans Where's Charlie un ballet folklorique qui clôt le premier acte et c'est le sommet de la farce. Parce que tout le monde est là, la vieille et richissime tante de Charlie est enfin arrivée du Brésil. Charlie, qui s'était déguisé en cette vieille tante, se fait quant à lui courtiser par l'un des chaperons des jeunes filles. Bref, tout part à volo sur une musique aux accents latins où traînent de la samba et du tango. Oh! bank is in need of financing. Still the people keep dancing. Pernambuco, unbelievable town, where the farmers all play the guitar and they're perfectly charming, but there's nobody farming. The starlight is in their eyes, and blossoms are in their hair, and this tune's everywhere. Pernambuco, unbelievable town, where they hum and they strum and they drum till the feeling is frantic by the shiny Atlantic, where they hum and they strum and they drum till the feeling is frantic and they call it romantic, and so do I. Dans cette comédie musicale, la star, c'était Ray Bolger. Vous le connaissez forcément parce que dans le film Le Magicien d'Oz, il incarnait l'épouvantail. Alors dans Where's Charlie, il va donner de sa personne parce qu'il passe son temps à changer de costume pour se transformer en tante chaperonne. Le public va adorer son agilité, sa verve, et Frank Le Sœur lui écrira peut-être la chanson la plus célèbre du spectacle. C'est vraiment un solo sur scène typique des comédies musicales, le héros Charlie, totalement amoureux de Amy et qui se met à danser un soft shoe. Ça s'intitule Once in Love with Amy. Et c'est une chanson que le comédien s'amusera chaque soir à faire reprendre par le public au théâtre, comme dans cet enregistrement. I caught you, sir, having a look at her as she went strolling by. Now didn't your heart go boom, boom, boom, boom, boom. Now didn't you sigh? I warn you, sir, never to dream of her. Just bid such thoughts be gone, or it'll be boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. From then on, for once in love with Amy, always in love with Amy, ever and ever fascinated by her, set your heart afire to stay. Once you're kissed by Amy, tear up your list, it's Amy. Ply her with bonbons, poetry and flowers, moon a million hours away. You might be quite the fickle-hearted rover, so carefree and bold, who loves a girl and later thinks it over, then just quits cold. Oh, and once in love with Amy, always in love with Amy, ever and ever sweetly you'll romance her. Trouble is, the answer will be that Amy'd rather stay in love with me. fascinated by her. Oh, I'm so happy. I want everybody to sing with me the next line. Once you're kissed by Amy. Once you're kissed by Amy. Tear up your list, it's Amy. Tear up your list, it's Amy. Buy her with bonbons, poetry, and flowers. Buy her with bonbons, poetry, and flowers. Moon a million hours away. Moon a million hours away. Let me take it. You might be quite the fickle-hearted rover, so carefree and bold, who loves the girl and later thinks it over, then just quits cold. Everybody sing Once in Love with Amy. Once in love with Amy. Always in love with Amy. Always in love with Amy. Ever and ever, sweetly, you romance her. Ever and ever, sweetly, you romance her. Trouble is the answer will be hot. Trouble is the answer will be. Ha, ha, ha, ha. That Amy'd rather stay alone with me. Et comme dans toute comédie musicale, il y a des chansons qui ont été composées par Frank Loesser et puis qui finalement ont été coupées au cours des répétitions. Je vous propose d'en écouter une interprétée par les filles de Frank Loesser. Ça s'intitule Saunter Away. We'll saunter by the elegant inns and sniff at the mutton they're carving. Saunter away, fiddle-dee-day, and no one will know that we're starving. No one will know, no one will know, no one will know as we saunter and we grin. No one will know what a fix we're in. And saunter away, fiddle-dee-day, and no one will know that we're starving. Where's Charley ouvre le 11 octobre 1948. Les critiques sont pas particulièrement enthousiastes, mais le public aime et le spectacle restera près de 2 ans à l'affiche. Il sera donc joué à Londres en 1958. Frank Loesser, l'auteur, le compositeur, a gagné ses galons à Broadway et sa prochaine comédie musicale sera Guys and Dolls. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez les références des disques diffusés ce matin. Dans l'actualité des comédies musicales, à voir notamment Fausse Moustache, la nouvelle comédie musicale de Raphaël Calandreau, fort à propos aujourd'hui parce que ça se déroule durant une campagne électorale. C'est au Théâtre Clavel à Paris. À noter aussi ce soir à l'Auguste Théâtre une soirée spéciale Noël et comédie musicale, c'est à Paris aussi. Et puis en dehors de Paris, un coup de cœur pour la nouvelle production de la Compagnie des Brigands, une opérette de Hervé, Les Chevaliers de la Table Ronde, une œuvre créée en 1867, à peu près à la même époque que Where's Charley d'ailleurs, Les Aventures Loufoques ou Toquet, voire Grivoise, de Chevalier de la Table Ronde, bardé en tenue de footballeur, venu tirer l'un des leurs des sortilèges de Mélusine qu'il a transformé en homme au foyer, tricot à la main. Alors vous ajoutez un roi cocu, une fille naïve qui s'accouple sur scène avec un chevalier en armure et vous obtenez un mélange comique dans un décor rayé en noir et blanc qui fait penser au premier film muet. Le compositeur Hervé n'a pas fait non plus dans la dentelle côté musique, mais on a notre lot de chants chorales, de ballades et de duos comiques. Le morceau de bravoure étant cet absurde chant des chevaliers. Je vous dis les paroles, vous allez l'entendre. Quel joli métier que celui de chevalier de la Table Ronde. Toujours pas voie et pas chemin, nous battons la campagne. En France, on nous voit le matin et le soir en Espagne. Monsieur du plan plein d'agréments pour remplir aventure. Ce sont les anges lunes. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la Table Ronde. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde. seules les femmes. Et nous prenons sur nos écus le chiffre de ces dames. Nous consommons un nombre affreux de blondes et de rudes. Si vous avez lu des prunes, ce n'est pas pour des prunes. Je n'ai que joli métier, ne fit dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. C'est Grivois, et ça fait du bien par les temps actuels, les Chevaliers de la Table Ronde, par la troupe des Brigands en tournée en France, pour une fois partout mais pas à Paris. Ils étaient hier à l'Opéra de Massy. Ils seront le 11 décembre à Reims, le 13 à Argenteuil, le 17 et le 18 à l'Opéra de Toulon, et puis à partir du 9 janvier à l'Opéra de Nantes. Bravo aux gagnants qui vont recevoir, qui nous ont écrit, qui ont été tirés au sort et qui vont recevoir le Blu-ray du film avec Frank Sinatra et Gene Kelly, Escale à Hollywood. Bravo à Antoine, à Sauclière dans l'Aveyron. Bravo à Roland, à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Bravo à Pierre qui habite à Paroy en Seine-et-Marne. Et puis bravo à Fabienne à Thionville, c'est en Moselle. C'est samedi prochain que France Musique consacre toute sa journée à Frank Sinatra. Et puis notez donc que dimanche prochain, nous vous proposerons notre prochain cabaret 42e rue autour de Léonard Bernstein. Vous pouvez vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Nous serons en compagnie de 5 formidables artistes: Christine Buffle, Lauren von Kempen, Emerson Scott et Maxime de Toledo, accompagné au piano par Mathieu Serradel. Ils nous interpréteront eh bien, de nombreux extraits de Candy, de Wonderful Tone ou bien sûr de West Side Story. Le podcast, le streaming, c'est sur francemusique.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin Antoine Giraud, Adelino Mello, Cyril Vetozevitch et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau.